Mauvaise idée de parler à cœur ouvert. Tu sais parce que les gens sont trop mauvais. Précieux de rapporter les mauvaises nouvelles. Ils te résument à quelques maladresses. Ils prennent ta gentillesse pour une faiblesse. Et te font perdre le sourire de la veille. Quoi qu'il en soit, je m'étonne de ces gens, donc je m'isole. Je m'isole. Quoi qu'il en soit, je m'étonne de ces gens, donc je m'isole. Je m'isole. Que les gens sont trop déterres. Les quartiers d'à côté se font la guerre. J'ai donné ma confiance à quelques frères. Je l'ai récupéré 6 pieds sous terre. J'ai les racines d'un arbre solitaire. Quoi qu'il en soit, je m'étonne de ces gens, donc je m'isole. Je m'isole. Quoi qu'il en soit, je m'étonne de ces gens, donc je m'isole. Je m'isole.